Dans la question, il y aura la réponse. Faut pas avoir peur de se poser des questions avec la pratique. La réponse, la question sera de plus en plus ajustée. Ouais, puis à un moment donné, on se tanne de ce jeu-là aussi. Tellement qu'on finit, on se pose pas de questions, puis là, on observe. Juste voir l'observation. Il n'y a plus besoin des questions et des réponses. Dans le sens où on finit par se rendre compte que le plan mental, ça ralentit la lumière. Si on peut dire.